إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes. Et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Il a transmis le message qui lui fut confié. Il fut loyal envers ses engagements et il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés. Et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, certes la pire des choses, certes la parole la plus véridique est le livre d'Allah. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans notre religion est innovation. Toute innovation est égarement et tout égarement mène à l'enfer. Ayyuha al-ikhwatul kiram, avançons ensemble dans notre chemin béni et noble. À travers l'explication des versets de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ceci est notre 18e rencontre. Et nous nous promenons encore dans le jardin béni de Sourat al-Luqman. Et nous avions ainsi parlé à Ayyuhal Ikhwatul Kiram lors de notre dernière rencontre de l'association majeure Shirkul Akbar, faisant sortir de la communauté. Et cela a été tiré de la parole de Luqman rahimahullah ta'ala à son fils lorsqu'il lui dit « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. » Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Et nous avions défini l'association majeure à Shirkul Akbar comme étant le fait de diriger et de destiner l'adoration à l'ibada ou une partie de l'adoration à autre qu'Allah Jalla wa Ala. Telle est la plus grande des injustices, telle est le plus grand des crimes et telle est le plus grand des péchés. Comme nous l'informe le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit alayhi salatu wa salam, le plus grand des péchés est le fait d'associer à Allah et de tuer une âme et de désobéir aux parents et le faux témoignage. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, quel est le plus grand des péchés? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, que tu donnes un équivalent à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Que tu donnes un équivalent à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et nous avions ainsi dit précédemment que les savants al-ulama rahmatullahi alayhim ont divisé et partagé l'association al-shirk soit en deux, soit en trois catégories. L'association majeure al-shirk al-akbar et l'association mineure al-shirk al-asghar. Et à l'intérieur de l'association mineure, l'association cachée al-shirk al-khafi. Et aujourd'hui, ayol ikhwa, nous avons rendez-vous avec une grande alerte et un grand avertissement quant à l'association mineure al-shirk al-asghar, qui est certes un chemin et une voie et un sentier vers l'association majeure al-shirk al-akbar. Et certains savants l'appellent également l'association dans la seigneurie, shirk al-rububiyya. Et lorsque nous disons association mineure, ayol ikhwa, cela ne signifie pas que c'est un péché mineur. Pas du tout, et au contraire. Mais l'association mineure est shirk al-asghar, fait certes partie des plus grands des péchés. Et c'est un énorme péché que beaucoup et beaucoup et beaucoup de musulmans commettent de nos jours, malheureusement, mais al-asaf. Beaucoup de gens ne se soucient pas de cela et pensent que c'est une chose qui n'a pas d'importance. Nous disons que l'association mineure est shirk al-asghar. Auprès des savants de la croyance profonde al-aqidah et de l'unicité al-tawhid, l'association dans la seigneurie, shirk al-rububiyya, cela signifie d'associer à Allah dans le fait qu'Allah soit le créateur et qu'Allah soit le possesseur et qu'Allah soit le roi et le maître et le décideur de toutes choses. Car il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala al-wahid al-ahad. L'unique, qui n'a aucun associé. C'est pourquoi Allah Jalla wa Ala a interdit l'imitation dans sa création. Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit l'imitation dans sa création, comme le fait par exemple de dessiner par la main. Le fait de dessiner avec la main, ayol ikhwa, des êtres possédant des âmes, est une association dans la seigneurie shirk al-rububiyya, et la preuve en est. Ce que rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah Ta'ala a dit, et qui est plus injuste que quelqu'un qui crée comme ce que je crée? Qu'il crée donc une graine, et qu'il crée donc un atome, et qu'il crée donc un grain de blé. Et dans les deux recueils authentiques selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout dessinateur sera le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, dans le feu de l'enfer an-nar. Pour tout dessin qu'il aura dessiné, on créera une âme qui le châtiera. Pour tout dessin qu'il aura dessiné, on créera une âme qui le châtiera. Et dans les deux recueils authentiques selon Aisha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui se feront le plus châtier le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, sont ceux qui imitent la création d'Allah. Sont ceux qui imitent la création d'Allah. Le fait de dessiner par la main, tous ceux qui possèdent une âme, tel dessiner un être humain, ou dessiner des animaux, ou d'autres choses possédant des âmes, c'est une association mineure, shirk al-asghar, qui est une association dans la seigneurie al-Rububiyya, et c'est un chemin et une voie qui mène vers l'association majeure al-Shirk al-Akbar. Et certes, le peuple de Nuh alayhi salatu wassalam n'a associé à Allah qu'à cause de ses statuts et de ses desseins. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à leur sujet dans sourate Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُونَ آلِهَتَكُمْ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. et n'abandonnez jamais Wad, Waswa, Wayaghouth, Wayaouq, Wanasra. Et certes, ces idoles en ont déjà égaré plusieurs, nous dit Allah Jalla wa Ala. Ces noms sont des noms de statues taillées par le peuple de Nuh, en l'image de leurs pieux. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a certes ordonné à Ali ibn Abi Talib radiallahu an, comme ceci a été rapporté dans le recueil de l'imam ou muslim, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ne laisse aucune image sans que tu ne l'effaces. Et ne laisse aucune tombe élevée sans que tu ne la rabaisses, qu'elle soit à la même surface que la terre. Et sache que les anges, les malaïka, ne rentrent pas dans une demeure où se trouve un chien ou une image. Telle est la recommandation du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à Ali ibn Abi Talib, radiallahu an, un hadith dans les deux recueils authentiques selon Aïchata, radiallahu anha. Et parmi ceux qui rentrent également dans l'association mineure à Shirkul Asrar, le fait de prendre des égaux et des personnes établissant des lois autres que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, des lois qu'ils utilisent en dehors de la législation d'Allah azza wa jal et qui jugent avec. Et la preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate At-Tawbah. En parlant des gens du livre Ahlul Kitab, Allah jalla wa ala nous dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح عيسى بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. الله nous dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Messie fils de Maryam comme des seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un seul Dieu unique. Nul n'est divinité en dehors de lui, gloire à lui, et il est au-dessus de ceux qui lui associent. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad ou l'imam Tirmidhi, un hadith avec une chaîne de transmission authentique selon Ali ibn Hatim, radiallahu an, lorsqu'il entendit ce verset que nous venons d'évoquer, lorsqu'il entendit ce verset, et ceci était avant son entrée dans l'islam, il demanda au prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant, Ya Rasulallah, mais ils ne les adorent pas, c'est-à-dire les gens du livre, n'adorent pas leurs rabbins et leurs moines. Savez-vous ce que répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, si ces rabbins et ces moines leur ont interdit le licite et leur ont autorisé l'illicite, et cela les ont suivis, et ainsi ceci est leur adoration envers ces personnes. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à travers la langue de Yusuf alayhi salatu wa salam en parlant aux deux prisonniers, Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui. Regardez comment ainsi Allah nous montre que le pouvoir ici est une adoration. Naam. Parmi les associations mineures et Shirkul Asrar également, ayyuhal ikhwatul kiram, qui est une association dans la seigneurie d'Allah al-Rububiyya, le fait de jurer sur autre qu'Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla Jalaluh a ordonné à son prophète alayhi salatu wa salam, et l'ordre est à son prophète et à sa communauté après lui, de ne jurer que sur Allah Jalla wa Ala lorsqu'il nous dit « Qul i wa Rabbi » dit « Mais si, par mon Seigneur ». Il est donc interdit de jurer sur autre qu'Allah Jalla wa Ala. Ne jure donc pas sur ton prophète, et ne jure pas sur le rapproché Al-Wali, et ne jure pas sur Al-Kaaba, et ne jure pas sur la vie de tes enfants, ni sur la vie de ta femme, ni sur la tête de ton père, ni sur la tête de ta mère, mais ne jure que sur Allah tabaraka wa ta'ala. Car si tu fais autrement, et si tu jures sur autre qu'Allah, tu seras tombé dans l'association mineure à Shirkul Asrar. Et la preuve est rapportée par l'imam Ahmed dans son Musnad, et par l'imam Tirmidhi dans ses Sunan, et par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak, un hadith authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Selon Ibn Omar radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jure sur autre qu'Allah sera certes tombé dans une association. Celui qui jure sur autre qu'Allah sera certes tombé dans une association. Et dans les deux recueils authentiques selon Ibn Omar radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, celui qui désire jurer, qu'il jure sur Allah ou qu'il se taise. Celui qui désire jurer, qu'il jure sur Allah ou qu'il se taise. et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad ou l'imam al-Bayhaqi, et dont la chaîne de transmission a été authentifiée par Cheikh al-Albani selon Qatilah bint Sayfi radiallahu anha. Celle-ci nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui désire jurer, qu'il jure sur le seigneur de l'Kaaba. Celui qui désire jurer, qu'il jure sur le seigneur de l'Kaaba. Fa'ayyuha al-muslimoun, ô vous les musulmans, ne jurez que sur Allah jalla wa ala. Ne jurez que sur votre seigneur al-wahid al-dayyan, l'unique et le dominateur suprême. Car celui qui jure sur autre qu'Allah sera certes tombé dans l'association et il devra se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi nous devons absolument, et il nous incombe et il nous oblige, de purifier nos langues de ces paroles associatrices et d'éduquer nos enfants de ne jurer que sur Allah al-Wahid al-Dayyan. Dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira radiallahu anhu, et écoutez ce hadith ayyuha al-ikhwatul kiram, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui d'entre vous qui jure et qui dit واللات والعزة, c'est-à-dire qui jure sur اللات والعزة, qu'ils disent لا إله إلا الله. Ainsi celui qui aura juré sur autre qu'Allah, qu'il se repentisse à Allah et qu'il dise لا إله إلا الله. Ainsi il est donc interdit de jurer sur Allah, de jurer sur autre qu'Allah عز وجل. Ce qui rentre également dans l'association mineure الشرك الأصغر, l'association dans le placement de confiance التوكل. Allah Jalla wa Ala nous dit: wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, et c'est en Allah qu'il faut avoir placé sa confiance si vous êtes des croyants. Ainsi prends comme exemple, ayyuha al-ikhwatul kiram, prenez comme exemple ce que font beaucoup de gens et beaucoup d'ignorants du fait d'accrocher sur soi des bracelets ou bien des fils prétendant que ceci apporte la guérison ash-shifa, ou prétendant que ceci évite le mal ad-dur. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission, la ba'sa bihi, selon Omar ibn Hussein radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un jour vit un homme à sa main un bracelet. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam: qu'est-ce que cela? L'homme répondit: cela est pour éviter la faiblesse et l'impuissance. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: enlève-le, car certes, elle ne t'apportera que de la faiblesse. Et si tu meurs et qu'elle est accrochée à toi, tu ne réussiras jamais. Ces fils que les gens portent et ces bracelets qu'ils accrochent au niveau de leurs oreilles ou de leurs doigts, prétendant que cela protège de la stérilité et que cela guérit de la fièvre et de la fébrilité et qu'ils guérissent les rhumatismes, tout cela fait partie de l'association mineure Ash-Shirk al-Asghar, et qui est un chemin vers la grande association Ash-Shirk al-Akbar. Car celui qui possède le bien, et celui qui décide le bien, et celui qui possède et qui décide le mal, n'est autre qu'Allah Jalla wa Ala. Parmi les associations mineures Ash-Shirk al-Asghar également, yu al-ikhwa, relatant du même sujet, le fait d'accrocher des bracelets de coquillages, et des amulettes, et des porte-bonheur, car beaucoup de gens, et surtout beaucoup de femmes, accrochent autour du cou de leurs enfants des amulettes, des porte-bonheur, prétendant que cela évite et protège du mauvais œil al-ayn. Certaines d'entre elles accrochent des queues de poisson, et d'autres accrochent des cornes de gazelle, et d'autres accrochent la main de Fatma, et d'autres accrochent l'œil bleu, et d'autres accrochent du sel, wal-ayadu billah, et un autre accroche le livre de l'Hisn al-Hassin, et un autre accroche un fer à cheval, et d'autres choses parmi ces stupides choses, ayol ikhwa, alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a informé que tout cela fait partie de l'association al-shirk. Al-imamu Ahmad nous rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Uqbah ibn Amir radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui accroche sur soi une amulette, il a certes commis une association. Celui qui accroche sur soi une amulette, il est certes tombé dans l'association. Et dans une autre version, celui qui accroche sur soi une amulette, Allah ne le complétera pas, c'est-à-dire ses actions et ce qu'il désire. Et celui qui accroche sur soi des coquillages, Allah ne le laissera pas en tranquillité. Et nous voyons beaucoup malheureusement de bracelets, de coquillages auprès de nos frères africains. Ils l'accrochent sur leur poitrine, prétendant et croyant que cela les protège du mauvais œil al-aim. Mais celui qui protège du mauvais œil, et ceux qui évitent la jalousie al-hased, cela est dans le fait de demander la guérison et al-ruqiyah dans les paroles d'Allah Jalla wa Ala. Quant au fait d'accrocher sur soi al-Qur'an, ou bien d'accrocher sur soi quelques versets d'Al-Qur'an, les savants ont divergé sur ceci, sur deux paroles. Il y a des savants qui ont autorisé cela, et il y a des savants qui ont interdit cela. Mais le plus probable et le plus authentique, ayyuha al-ikhwa, est que ceci n'est pas autorisé, afin de fermer la porte à l'association. La guérison, ayol ikhwatul kiram, et la bénédiction et la baraka du livre d'Allah, Al-Qur'an, ne proviennent que dans la récitation de ce livre, et non pas en l'accrochant sur soi, ni en l'accrochant sur les murs. Dans le même sujet, ce que font également beaucoup d'agriculteurs, ils accrochent sur leurs arbres des feuilles et des amulettes, prétendant que cela fera fuir les animaux néfastes et les oiseaux. Ainsi, le fait d'accrocher Al-Qur'an, ou d'accrocher ses amulettes ou ses porte-bonheurs, tout cela n'est pas autorisé et est interdit. Car celui qui protège du mauvais œil, celui qui protège de la jalousie, n'est autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ceci n'arrive qu'en plaçant véritablement sa confiance en son Seigneur, jalla wa ala. Puis de demander la guérison al-shifa avec le livre d'Allah al-Qur'an, qui est une guérison certes profitable. La récitation du livre d'Allah est une guérison pour les gens. Regardez ce que nous dit Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur et une guérison de ce qui est dans vos poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Et Allah nous dit également: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Allah nous dit, pour ceux qui croient, ce Coran est une guidée et une guérison. Quant à ceux qui ne croient pas, ce Coran est une surdité dans leurs oreilles, et ils sont frappés aveuglement en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un chemin lointain, d'un endroit lointain. Et Allah nous dit également: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Il est donc interdit, ayol ikhwatul kiram, d'accrocher tous ces porte-bonheurs et toutes ces amulettes et tous ces coquillages. De plus, ce que font les gens, ayol ikhwat, le fait d'accrocher de l'épi et des petits livres sur les animaux ou bien sur les voitures, prétendant que cela protège du mauvais œil al-ayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu tout cela caduc et non accepté dans la religion de l'islam, comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Bashir al-Ansari radiyallahu an. Celui-ci était avec le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam lors de certains de ses voyages. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ainsi envoyé un messager afin d'informer que personne ne laisse sur les coups des bestiaux des pendentifs de boyaux. Car avant, les gens de l'ignorance, Ahlul Jahiliyyah, accrochaient ces pendentifs au cou de leurs bestiaux, prétendant que cela protège du mauvais œil Al-Ayn. Tout ceci rentre dans l'association mineure Ashirkul Asrar, qui est une association dans la seigneurie Shirkul Ar-Rububiyyah, et cela fait partie des plus grands des péchés. Et les unificateurs Al-Muwahhidoun se doivent absolument d'éviter et de s'éloigner de ces péchés et de cette association, et d'éduquer leurs enfants à cela. De plus, ce qui rentre dans Shirkul Asrar, dans l'association mineure, l'incantation et la magie. Beaucoup de gens, lorsqu'ils tombent psychologiquement malades, ou bien lorsqu'ils ont été atteints par le mauvais conseil de Shaitan al-Rajim, du waswas, ou bien qu'ils soient naturellement tombés malades parce qu'il est fatigué ou bien parce qu'il n'a pas beaucoup dormi, ils courent auprès des gens afin qu'on lui fasse un ruqya, ou bien auprès des gens qu'on appelle al-azaim, où beaucoup de gens vont ainsi dans ce que certains appellent al-talib, le demandeur, afin qu'il fasse ses incantations et ses sorts et sa magie. Mais tout cela n'est pas une ruqya shara'iyya. Ce n'est pas un traitement et une guérison légiférée dans la religion de l'islam, mais ils tombent dans l'association mineure Ashirkul Asrar, que seul Allah Jalla wa Ala connaît. Mais pire encore, ayol ikhwa, ils demandent de l'aide aux djinns, plaçant ainsi la personne dans l'association majeure Ashirkul Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad ou l'imam Abu Daoud ou Ibn Majah, et authentifié par Shaykh al-Albani dans son livre Sahih al-Jami', selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: les incantations, les amulettes ou attiwala sont toutes des associations. Les incantations, les amulettes ou attiwala sont toutes des incantations. Ou attiwala est une chose fabriquée par des égareurs et qu'il les place sous le lit de l'homme ou de la femme, ou bien sur la porte de la maison, ou bien sur les habits, prétendant que cela fera aimer la femme à son mari, ou bien l'homme à sa femme. Toutes les incantations, les amulettes, ou tiwala sont des associations. Il est donc interdit de demander al-ruqiyah, et il est autorisé de demander al-ruqiyah qu'à un homme ayant une croyance profonde et un dogme, une aqidah correcte et sûre, connu d'avoir de la science et du savoir, et d'être pieux et d'être dans le bon chemin, as-sirat al-mustaqim. Ainsi, il n'y a pas de mal quant à demander de se faire guérir par le Coran, comme nous le dit l'imam al-Suyuti, rahimahullah. Et les savants sont unanimes quant au fait que ruqya est une chose autorisée, mais dans trois conditions. Premièrement, qu'elle soit effectuée avec le livre d'Allah al-Qur'an, et les noms et les attributs d'Allah, asma'ullahi wa sifat, c'est-à-dire avec les du'as du prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième condition est que ce soit dans une langue arabe et dans un langage compréhensible. Et la troisième condition est que celui qui demande al-ruqya ne pense pas que ruqya guérit par elle-même, mais qu'il pense que tout cela n'est que par la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Ce qui rentre également dans l'association mineure à Shirkul Asrar, ayyuhal ikhwatul kiram, le fait de demander cette ruqya, cette guérison, à des astrologues et à des exorcistes. Ittaqullah Jalla wa Ala, craignez donc Allah, et n'allez pas voir ces gens qui ne sont pas dans la religion de l'islam, et qui consomment l'argent des gens injustement. Ce qui rentre également dans l'association mineure à Shirkul Asrar, qui est une association dans la seigneurie al-Rububiyya, la superstition et le présage, ce que l'on appelle en arabe al-Tatayyur, le fait de dire que viendra une mauvaise chose à la vue de certaines personnes ou de certains oiseaux par rapport à leur couleur ou à leur forme. Car les Arabes avant l'islam, ils utilisaient et ils pratiquaient cette superstition et ce présage. Les Arabes avant l'islam, lorsqu'ils décidaient de voyager, ils prenaient un oiseau et ils le lâchaient. S'il volait à droite, il partait en voyage. Mais s'il volait à gauche, il refusait de voyager. L'islam est venu ainsi, et est arrivé afin de rendre tout cela caduc. Et d'annuler tout cela. Dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pas d'infection, ni de superstition, ni de hibou, ni de safar. Pas d'infection, ni de superstition, ni de hibou, ni de safar, et dans une version de l'imam muslim, et ni d'étoiles et ni de fantômes. Pas d'infection, le prophète alayhi salatu wassalam a rendu l'infection caduque. C'est-à-dire que l'infection à cause d'une maladie n'aura aucun effet sur d'autres personnes, bien que le prophète alayhi salatu wassalam ait ordonné d'éviter le mal de cette maladie. Comme cela a été cité dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit qu'un malade ne rentre pas chez quelqu'un qui est en bonne santé s'il est atteint d'une maladie mortelle. Car sinon l'infection est une cause parmi les autres. Mais si Allah Jalla wa Ala ne veut pas que son serviteur soit atteint par cette maladie, il ne le sera pas. Ce qu'Allah veut est, et ce qu'Allah ne veut pas, il ne sera pas. Pas d'infection, ni de superstition. Et la superstition est le présage, comme le mauvais présage. Comme ceux qui disent que c'est un mauvais présage de voir un corbeau noir, ou bien un chat noir, ou bien un chien noir. La mauvaise superstition, comme ceux par exemple lorsqu'ils voient un corbeau ou un chat noir ou un chien noir, disent aujourd'hui ce sera un jour de malheur et un jour terrible. Alors que l'islam a rendu tout cela annulé et caduque et non valable. Pas d'infection, pas de superstition et ni de hibou. Les gens disaient à l'époque que c'est un mauvais présage lorsqu'ils aperçoivent un hibou. Et certains vont même dire que lorsque ce hibou se pose sur une maison, ils disent il va y avoir un mort dans cette maison. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. Et tout l'islam a rendu tout cela caduque et non valable. Ni de hibou, ni de safar. Et le mois de safar, dans le calendrier de l'Hijriya, du mois de l'Hijir, le mois de safar que les Arabes avant l'islam disaient par rapport à ce mois-là, c'est le mois du malheur. Comme aujourd'hui, le vendredi 13 et le mercredi, tous ces jours-là que les gens pensent en jours de malheur. Pas d'infection, ni de superstition, ni de hibou, ni de safar, et pas d'étoiles et ni de fantômes. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a rendu non valable et annulé toutes ces histoires mensongères ayant pour but de faire peur les petits et les grands. Et dans les deux recueils authentiques, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: pas d'infection ni de présage et l'optimisme me plaît. Et ils dirent: et quel est l'optimisme, ya Rasulallah? Il répondit: la bonne parole. La bonne parole. Fa'ayyu al-muslimoun, ô vous les musulmans, si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, dites comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan. Et avec une chaîne de transmission authentique selon Uqbah ibn Amir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Telle est l'invocation du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il voyait un mal. Oh Allah, rien n'amène les bonnes choses si ce n'est toi, et rien ne repousse les mauvaises choses si ce n'est toi, et il n'y a pas de changement ni de force qu'auprès de toi, تبارك وتعالى. Ainsi Luqman nous dit à son fils, Luqman dit à son fils en l'éduquant et en l'exhortant: Ya bunay, la tushrik billah. Inna shirka la dhulmun azim. Ô toi mon fils, ne donne pas d'associer à Allah. Certes, l'association est une injustice énorme. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il fasse et qu'il nous préserve de l'association majeure, mineure et cachée, et qu'il fasse qu'il ancre et qu'il installe dans nos cœurs at-tawhid, l'unicité pure en lui-même. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.